toujours se dire, la vérité s'arrête un jour ou l'autre. Comment dire, aujourd'hui je suis tombé du lit, le crâne en morceaux, mais tous mes amis m'ont connu tout petit. Après un grand bye bye au revoir, une sortie en bonne compagnie le soir, j'aime dormir à la belle étoile. Je n'aime pas me plaindre, les larmes coulent à flot, mais je prends sur moi. Tout n'est pas si mal que ça. Quand on regarde bien, regarde bien. Toujours se dire, on a mauvaise mine alors au lit, et les yeux délavés. Vous êtes les seuls à pouvoir me dire si je dérive ou si je pique. Dites-moi vraiment, franchement, je n'aime pas me plaindre. Les larmes coulent à flot, mais je prends sur moi. Ça. Quand on regarde bien, regarde bien. Je ne suis pas très fort, je perds le temps, j'ai mauvaise mine, et le Trois-Rivières a même fait souffrir les plus tenaces. Et dans le tas, je pleure comme un garçon. Pourtant au fond j'ai le mal de vivre, des vertiges aux oreilles et mes paupières. Pleure tout un océan. Dites-moi si je dérive ou si je meurs. La vie a fait de moi un homme aigri sous un ciel atomique. Plus tard j'aurai de quoi me faire la paire. Je partirai là où le sable fin ne connaît ni l'hiver ni la fin. Je n'aime pas me plaindre, je perds le temps, je me tais. Ça. Si tu regardes bien, je n'aime pas me plaindre. Les larmes coulent à flot, mais je prends sur moi. Parce que tout n'est pas si mal que ça.